Ceci ferait douter de la vertu de Dieu, dit Adeline, chez qui l'indignation avait séché les larmes. Mais non, la justice divine doit planer sur cette tête-là. Vous ignorez le monde, belle dame, reprit le grand politique Crevel, profondément blessé. Le monde, mon Adeline, aime le succès. Voyons, vient-il chercher votre sublime vertu, dont le tarif est de 200 000 francs? Ce mot fit frissonner Madame Hulot, qui fut surprise de son tremblement nerveux. Elle comprit que le parfumeur retiré se vengeait d'elle ignoblement, comme il s'était vengé de Hulot. Le dégoût lui souleva le cœur et le lui crispa si bien qu'elle eut le gosier serré à ne pouvoir parler. « L'argent, toujours l'argent !» dit-elle enfin. « Vous m'avez bien émue, » reprit Crevel, ramené par ce mot à l'abaissement de cette femme, « quand je vous ai vue là, pleurant à mes pieds. Tenez, vous ne me croirez peut-être pas. Eh bien, si j'avais eu mon portefeuille, il était à vous. Voyons, il vous faut cette somme. » En entendant cette phrase grosse de 200 000 francs, Adeline oublia les abominables injures de ce grand seigneur à bon marché devant cet alléchement du succès si machiavéliquement présenté par Crevel, qui voulait seulement pénétrer les secrets d'Adeline pour en rire avec Valérie. « Oui, je ferai tout !» s'écria la malheureuse femme. « Monsieur, je me vendrai. Je deviendrai, s'il le faut, une Valérie. »« Cela vous serait difficile, » répondit Crevel. Valérie est le sublime du genre. Ma petite mère, 25 ans de vertu, ça repousse toujours, comme une maladie mal soignée. Et votre vertu a bien moisi ici, ma chère enfant. Mais vous allez voir à quel point je vous aime. Je vais vous faire avoir vos 200 000 francs.